rappellent depuis des millénaires que leurs joies sont arbitraires. Enfermés dans cette réalité, on a tous jeté la clé. Il serait peut-être bien temps d'empêcher leur agissement. Demandons la paix, arrêtons leur effet, stoppons ça à tout jamais. Demandons la paix, arrêtons leur effet, peut-être qu'un jour ça marcherait. Enfants pourris gâtés, je laisse les cérébrés, ils n'ont plus aucune moralité. Enfants pourris gâtés, je laisse les cérébrés, ce monde est rempli de complexité. Violée, mais qu'est-ce que t'en as à branler? Ce n'est pas ta faute ni ton problème. Tu n'étais pas sur le lieu de la terre. Et des tabassés, animaux tués, mais qu'est-ce que t'en as à branler? Tu t'en fous, tu t'y es habitué. Depuis que tu dis qu'on va tout crever. Demandons la paix, arrêtons leur effet. Stoppons ça à tout jamais. Demandons la paix, arrêtons leurs méfaits. Peut-être qu'un jour ça marcherait. Enfants pourris gâtés, jeunesse décérébrée, on est rempli de complexité. Enfants pourris gâtés, jeunesse décérébrée, ils n'ont plus aucune moralité. Alors qu'en fait tu balances du poison. Tu n'aimes pas les gens qui profitent des autres, alors t'en fais partie entre autres. Tu veux aider le monde entier, mais ce n'est qu'un rêve non exaucé. Car la dernière fois que je t'ai vu, t'as pas adressé un mot voisin du dessus. Demandons la paix, arrêtons leurs méfaits, stoppons ça à tout jamais. Demandons la paix, arrêtons leurs méfaits, peut-être qu'un jour ça marcherait. Enfants pourris gâtés, jeunesse décérébrée, ils n'ont plus aucune moralité. Enfants pourris gâtés, jeunesse décérébrée, ce monde est rempli de complexité.